Sapatanam tamatanam chinati. Sapa raso tamarasam chinati. Sapa rate tamarati chinati. Sapa dukkham. Tanakayo sapa dukkham chinati. The Buddha taught this day. Lorsque le roi des Devas posa 4 questions au Bouddha, le Bouddha lui répondit : le don du Dhamma surpasse tous les dons. Le goût du Dhamma surpasse tous les goûts. Le bonheur du Dhamma surpasse tous les bonheurs. L'éradication du désir surpasse toutes les souffrances du samsara. Depuis qu'il a atteint l'état de Bouddha, le Bouddha omniscient enseigna le Dhamma aux êtres. Il le fit pendant 45 ans sans arrêt. Il enseigna à toutes sortes d'êtres, les humains, les devas, les brahmas. Le jour, il enseignait aux bhikkhus, aux bhikkhunis, aux disciples laïcs. Les disciples laïcs, il choisissait ceux qui étaient capables de comprendre le Dhamma. Il voyait ceux qui allaient pouvoir atteindre l'illumination et ne ménageait alors pas ses efforts pour se rendre chez eux avec beaucoup de compassion et d'amour. Il y avait du temps du Bouddha un jeune homme du nom de Mata Kundali. Ce n'était pas un élève du Bouddha, mais ce jeune homme avait les paramis. Il se réjouissait de voir les rayons qui émanaient du Bouddha à cause de ses paramis. Mais il n'avait jamais vu le Bouddha, il n'avait jamais entendu son enseignement. Le Bouddha savait que ce jeune homme allait mourir. Il se rendit donc chez lui avec beaucoup de compassion, de façon à lui permettre de voir et de se réjouir des rayons qui émanaient de sa personne. Lorsque le jeune homme le vit, il fut rempli de joie à la vue des rayons qui émanaient de la personne du Bouddha, et il mourut dans cet état d'esprit. Il reprit naissance dans le monde des devas. C'est de cette façon que le Bouddha aidait les êtres à se libérer de la souffrance. Le Bouddha ne dormait pas beaucoup. Il passait son temps à aider les êtres. On peut diviser la nuit en 3 parties. Pendant la première veille de la nuit, le Bouddha répondait aux questions des moines et des dévots. Il donnait souvent des enseignements qui correspondaient à leurs besoins. Pendant la deuxième veille de la nuit, ce sont les devas qui se rendaient chez le Bouddha pour poser leurs questions. Le Bouddha allait ensuite se reposer pendant plus ou moins 2 heures. Il se levait très tôt et survolait alors le monde de son œil divin pour voir les êtres qui allaient devoir être aidés ce jour-là. C'est le devoir d'un Bouddha. Et il s'apprêtait à aider les êtres avec beaucoup de compassion. Un jour, dans le Tavatimsa, le 3e monde des devas, au total il y a 6 mondes des devas, un jour donc dans le Tavatimsa, les devas discutaient à propos du don. Ils se demandaient quel était le meilleur don. Ils se demandaient également quel était le meilleur goût, quel était le meilleur bonheur et pourquoi l'éradication du désir est considéré comme le bien suprême. Ils ne trouvaient pas de réponse à ces questions. Ils allèrent donc voir le roi des devas pour lui demander son avis. Mais le roi des devas ne put pas non plus répondre à leurs questions. Ils se rendirent alors tous chez le Bouddha au milieu de la nuit. les Devas posèrent donc leurs questions au Bouddha. Ils lui demandèrent d'abord, parmi les dons, quel était le meilleur. Il est possible de faire dana en offrant des robes, en offrant de la nourriture, en offrant des abris, en offrant des médicaments aux moines. Parfois, on peut donner de l'argent pour réparer le monastère. Les Devas demandèrent donc au Bouddha quel était le meilleur des dons. Et le Bouddha leur répondit, le don du Dhamma surpasse tous les dons. Le Bouddha expliqua qu'il y a toutes sortes de dons. On peut offrir des robes aux moines, de la nourriture, des abris, des médicaments ou encore d'autres choses. Si vous offrez de la nourriture au yogi ou à la sangha, vous récolterez des bénéfices. Ces bénéfices sont tout d'abord une longue vie dans le plan humain ou dans le plan des devas, la beauté, le bonheur et la force. Les bénéfices du don dépendent donc de la qualité du don. Quel est donc parmi les dons le meilleur? Le Bouddha répondit, le don du Dhamma surpasse tous les dons. Qu'est-ce que le don du Dhamma? Je vous donne en ce moment un enseignement. Je vous fais part du Dhamma du Bouddha. Ceci, c'est un Dhamma Dana. Je partage avec les yogis mes connaissances. Le traducteur également fait un Dhamma Dana en traduisant. Comme vous le savez, j'ai été invité par le Dhamma Group de Bruxelles à venir guider cette retraite. Je donne donc des enseignements. Le Dhamma Group me donne la possibilité de partager mes connaissances avec les yogis. C'est donc le Dhamma Group qui offre un Dhamma Dana aux yogis. Les méditants pratiquent de façon diligente. Pour y arriver, ils doivent avoir suffisamment de temps. S'ils devaient cuisiner, il leur serait difficile de pratiquer de façon diligente. Ceux qui aident à l'intendance aident les yogis en ce sens qu'ils leur permettent de pratiquer pendant toute la journée sans devoir se préoccuper de l'intendance. Ils aident également le moine qui reçoit tout ce dont il a besoin pour enseigner. On peut donc dire que les intendants offrent également un Dhamma Dana. La publication des livres sur le Dhamma en vue d'une distribution gratuite est également un Dhamma Dana. En publiant des livres, on offre le Dhamma aux yogis et aux personnes qui sont intéressées par l'enseignement du Bouddha. Lorsque les gens lisent ces livres, ils ont une chance de comprendre l'enseignement du Bouddha, ils comprennent ce qu'il convient de développer et ce qu'il convient d'abandonner. Ils reçoivent cette connaissance grâce aux livres qu'ils ont reçus. On peut donc dire que la publication des livres sur le Dhamma est un Dhamma Dana. Parfois, certaines personnes contribuent financièrement au bon fonctionnement de la retraite. Ils le font pour que les méditants puissent pratiquer de façon diligente. Ceci, c'est également un Dhamma Dana. Lorsqu'on offre un Dhamma Dana, lorsqu'on offre donc l'enseignement du Bouddha, on permet à ceux qui le souhaitent de développer leurs connaissances. Ils vont pouvoir méditer, ils vont pouvoir lire des livres. Ici, nous avons la possibilité de donner des enseignements, de pratiquer la méditation. Nous pouvons pratiquer et donc réaliser la véritable nature du Dhamma et de ce fait nous libérer de la souffrance. C'est pour toutes ces raisons que le Bouddha a dit, le don du Dhamma surpasse tous les dons. La deuxième question des Deva était, parmi les goûts, quel est le meilleur? Il y a toutes sortes de goûts. En fait, il y en a six. Il y a le doux, l'amer, le chaud, etc. Ces notions sont difficiles à exprimer en anglais. Si quelqu'un aime le sucre et que vous lui demandez quel est le meilleur des goûts, il vous répondra c'est le sucre. Si quelqu'un aime l'amer et que vous lui demandez quel est le meilleur goût selon vous, il vous répondra c'est l'amer. Mais la réponse du Bouddha était parmi les goûts, le goût du Dhamma est le meilleur. Est-il vrai que le goût du Dhamma surpasse tous les goûts? Au début, vous n'expérimenterez probablement pas encore cela. Vous notez, mais tout ce que vous réussissez à noter, ce sont des douleurs, toutes sortes de douleurs, des démangeaisons, des picotements, de la chaleur, du froid, des pressions, etc. Votre attention se développe petit à petit. Vous expérimentez toutes sortes de sensations, mais vous n'êtes pas encore capable de gérer les douleurs et vous devez très souvent noter pensées, distractions. Lorsque vous serez devenu capable de gérer les douleurs et de voir les pensées, vous expérimenterez le goût du Dhamma. Vous serez devenu capable alors d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen de façon très précise. Vous serez patient avec les sensations douloureuses et vous serez en mesure de noter les états d'esprit. Vous expérimenterez toutes sortes de choses dans le corps et dans l'esprit. Grâce à cette attention très précise, vous ne vous ennuierez pas. C'est l'intérêt qui va au contraire se manifester, l'intérêt pour la pratique. Tout ceci, c'est comprendre que le goût du Dhamma surpasse tous les goûts. Vous vous souvenez peut-être de l'enseignement à propos de Samisa Sukha et de Niramisa Sukha. Samisa Sukha, c'est le plaisir, le bonheur associé au plaisir des sens. Niramisa Sukha, c'est le bonheur qui n'est pas associé au plaisir des sens. Samisa Sukha, c'est par exemple lorsque vous êtes occupé à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et que vous pensez à votre famille, à votre travail, à vos connaissances. Imaginons que vous pensiez à votre travail. Si votre travail vous apporte de la satisfaction, que vous gagnez beaucoup d'argent, vous serez content. C'est un bonheur qui est associé au plaisir des sens. Si vous pensez à votre famille, à vos enfants qui étudient bien, etc., vous vous sentirez heureux. C'est également un bonheur qui est associé au plaisir des sens. Parfois, vous pouvez imaginer certaines choses. Vous créez en imagination une image qui vous plaît. Vous aimez voir cette image. Vous pouvez également créer des sons. Pendant la méditation, il est possible que vous écoutiez la musique que vous aimez. Vous pouvez également penser à certains parfums, à certains goûts qui vous plaisent. Vous commencez à souhaiter avoir ceci ou cela à manger. Il est même possible que la salive s'accumule dans votre bouche. Tout ceci, c'est Samisa Sukha, le bonheur qui est associé au plaisir des sens. Niramisa Sukha, le bonheur qui n'est pas associé au plaisir des sens. C'est un bonheur qui ne s'enracine pas dans les visions agréables, dans les sons, les odeurs, les goûts ou les touchers agréables. Vous notez attentivement les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Votre attention est devenue très forte. Vous êtes capable de noter de façon très précise. Vous avez la concentration. Vous êtes en mesure de voir les apparitions et disparitions. L'esprit qui note est devenu très puissant. Il est serein. Vous avez un comportement doux et composé. Vous n'oubliez pas d'être attentif. Plus vous notez, plus l'objet est clair. Il se peut même que l'objet se présente spontanément à l'esprit. vous ne devez plus le chercher. Au moment où vous notez ainsi, avec cette qualité d'attention, il n'y a aucune colère dans votre esprit, il n'y a aucun désir dans votre esprit. Votre esprit n'est pas illusionné. Un esprit qui est illusionné ne voit pas les apparitions et disparitions. Lorsque donc vous notez ainsi tous ces différents objets, vous expérimentez Niramisa Sukha, le goût du Dhamma, le bonheur qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensuels. Vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et tout ce qui se manifeste dans votre corps et dans votre esprit. Vous notez le soulèvement, l'abaissement, la posture assise, le toucher. Au moment de la marche, vous notez le pas gauche, le pas droit. Votre compréhension se développe de plus en plus. Vous êtes attentif, et plus vous êtes attentif, mieux vous comprenez. Votre compréhension devient très claire. Vous pourrez constater tout cela par vous-même lorsque vous serez devenu très attentif. Vous pouvez comparer tout ceci au fait que l'on mangerait du pain à l'état pur. Je suis obligé de manger le pain à l'état pur, car le beurre, le sucre ne sont pas bons. Mais manger le pain à l'état pur sans rien y ajouter nous donne le véritable goût du pain. Il est très savoureux. Si nous ajoutons de la confiture ou d'autres choses, nous ne pourrons plus expérimenter le véritable goût du pain, car ce goût se mélange avec d'autres goûts. Samisa Sukha, le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensuels, peut donc être comparé au goût que procure le pain lorsqu'il est associé à la confiture ou à d'autres choses. C'est un goût qui est mélangé, qui n'est pas pur. Niramisa Sukha, le bonheur qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensuels, peut être comparé au goût que procure le pain lorsqu'il est mangé sans rien y ajouter. Vous notez le corps et l'esprit. Plus vous êtes concentré, mieux vous voyez les apparitions et disparitions. Et au moment précis où vous notez ainsi avec cette qualité d'attention, vous expérimentez un certain bonheur. Ce bonheur, c'est le goût du Dhamma. C'est pour toutes ces raisons que le Bouddha a dit « Le goût du Dhamma surpasse tous les goûts. » Oui. Lorsque vous pratiquez la méditation, vous vous efforcez d'être attentif au corps et à l'esprit. Vous essayez de comprendre la réalité dans votre propre corps et dans votre propre esprit. Vous pratiquez en groupe. Mais même si vous êtes entouré d'autres personnes, vous êtes seul. On pourrait penser que c'est ennuyeux de se retrouver ainsi tout seul à méditer. Les gens qui vous regardent pratiquer, que ce soit en posture assise ou pendant la marche, se disent peut-être que vous vous ennuyez. Mais en réalité, vous ne vous ennuyez pas, parce que vous êtes attentif de moment en moment. Votre attention se développe progressivement et vous voyez de mieux en mieux. Si vous réussissez à voir clairement, un certain bonheur va s'installer dans votre esprit. Mais au début, vous n'expérimentez pas ce bonheur. Vous pourriez au contraire être triste parce que vous avez dû quitter votre famille. Vous pourriez penser à votre travail, etc. Mais lorsque l'attention se sera développée, vous allez expérimenter tout naturellement la paix, le bonheur, le calme. Et vous pourrez constater tout cela par vous-même. Un jour, un yogi me dit qu'il était heureux d'être ici à la retraite. Pourquoi se sentait-il heureux? Son visage, en effet, rayonnait. Il m'expliqua alors qu'il était content parce qu'il avait réussi à rester assis sans bouger pendant toute la séance, alors qu'avant il en était incapable. Il ajouta qu'il était également heureux parce que la méditation lui avait permis de voir son point faible. Son point faible, c'était l'impatience. Ce yogi avait donc gagné quelque chose, obtenu quelque chose par sa pratique. Il avait vu son point faible. Ce n'est pas facile de voir son point faible, et il y était arrivé. Il avait vu qu'il était impatient. Tout ceci avait fait surgir la joie en lui. Le Deva avait donc demandé au Bouddha quel est le meilleur des bonheurs. Et le Bouddha lui avait répondu: le bonheur du Dhamma surpasse tous les bonheurs. Lorsque vous pratiquez la méditation, il est possible que vous expérimentiez le bonheur qui s'enracine dans la méditation. Au début, vous ne serez probablement pas conscient de ce bonheur. Vous ne réussissez pas encore à contrôler l'esprit, mais vous allez vous efforcer de pratiquer de façon diligente. Votre attention va se développer. Vous allez réussir à éliminer les empêchements. Votre concentration va devenir forte. Vous serez capable tout doucement de réaliser l'esprit et la matière, les causes et les effets. Vous allez tôt ou tard réussir à gérer les sensations douloureuses, à noter les états d'esprit. Vous réussirez à la disparition des phénomènes et tout ceci va faire surgir la dévotion et la foi. Parfois, il est même possible que vous ayez un certain type particulier de pensée. Au début, les pensées sont très souvent associées au désir sensuel. Vous désirez manger ceci, vous désirez cela. Mais à ce stade, les pensées sont sages. Ce sont des kusala. Par exemple, il est possible que vous imaginiez en train d'expliquer le Dhamma à d'autres. Que vous vous imaginiez en train d'enseigner le Dhamma, tout simplement parce que vous avez vous-même expérimenté dans la pratique, vous avez expérimenté le fait que la méditation peut aider puissamment, et vous voulez en faire part aux autres. Parfois, vous avez le désir de faire Dhamma. Parfois, vous aimeriez vous retrouver tout seul pour pouvoir méditer en paix. Vous ne vous ennuyez donc plus pendant la méditation. Vous expérimentez le bonheur de la pratique. Let me continue tomorrow. Today is enough. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Through your practice, may you understand the Dhamma clearly, then attain Nirvana. Sadhu, sadhu, sadhu.